Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter une compilation de sourates et de versets du noble Coran et récitée par le frère de mérite Hamza As-Senerali, rahimahullahu ta'ala, ancien étudiant du centre d'études islamiques Darul Hadith de Damaj et mort en martyr pour sa sauvegarde, suivi de la traduction de leur sens en langue française par le frère Wahbi At-Tunisi. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Sourate numéro 91, Ash-Shams. Par le soleil et par sa clarté. Et par la lune quand elle le suit. Et par le jour, quand il l'éclaire, et par la nuit, quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a établi, et par la terre et celui qui l'a étendue. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Puis qui lui a inspiré sa perversité ainsi que sa piété. Aura certes réussi celui qui l'aura purifié. Et aura certes perdu celui qui l'aura corrompu. Le peuple de Thamoud a démenti le message par leur transgression. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah qui leur avait été envoyé leur dit alors: il s'agit de la chamelle d'Allah, laissez-la donc boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit ainsi pour leur péché et étendit sur eux son châtiment. Et Allah ne craint aucune conséquence. Sourate numéro 104, Al-Humaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, en pensant que sa fortune l'immortalisera. Eh bien non, il sera certainement jeté dans la Hutama. Et qui t'informera de ce qu'est la Hutama? Il s'agit du feu d'Allah attisé en enfer, qui remontera jusqu'au cœur. Et qui se reposera sur eux en colonne de flamme étendue. Sourate numéro 107, Al-Ma'un. Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour du jugement dernier et de la rétribution des comptes? Il s'agit de celui qui repousse l'orphelin. Et qui n'incite pas à nourrir le pauvre, ni ne le nourrit lui-même. Malheur donc à ceux qui négligent leur prière en la retardant. Qui sont pleins d'ostentation et qui refusent de donner l'ustensile à celui qui en a besoin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.